Des informations étouffées. Dr Henri Joyeux, von der Universität. Le professeur Henri Joyeux de l'Université de Montpellier s'investit pour une fabrication du vaccin DT polio sans aluminium. L'aluminium est nocif pour les nerfs, particulièrement des enfants de moins de 3 ans dans leur phase de développement. Toutefois, les médias officiels ne lui donnent pas la possibilité d'expliquer ses arguments scientifiques et fondés et d'exposer sa prise de position inquiète au sujet de la campagne massive de vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Au lieu de cela, on parle de leur adier de l'ordre des médecins. Pourquoi refuse-t-on ici aux citoyens le droit à une information complète ?